Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour ce troisième trimestre 2022, ce début d'été où il fait déjà bien chaud. Je vous ai promis de vous faire la troisième capsule d'interprétation du tirage en direct. Donc vous allez pouvoir avec moi choisir vos cartes et connaître la tendance pour ce troisième trimestre 2022. Qu'est-ce qui va vous arriver sur cet été pour juillet, août, septembre 2022? Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Myriam Alix, médium et coach en développement personnel, également thérapeute en soins énergétiques et magnétiseuse. Vous pouvez me consulter, bien entendu, à tout moment. Mais là, je vous propose cette troisième capsule de ce tirage en direct. Donc, je vais vous tirer les cartes, les interpréter et vous allez pouvoir choisir la rangée qui correspond, qui vous attire le plus pour ce troisième trimestre 2022. Voilà, donc je vais baisser ma caméra et on va commencer ce tirage gratuit pour vous et mon interprétation, bien entendu. Voilà, je baisse ma caméra et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là. Normalement, vous êtes sur le support. J'espère que vous le voyez bien. Évident. Voilà. Et là, je vais vous faire tirer les cartes. Donc, on va bien mélanger le jeu de l'oracle de Béline. Je trouve qu'il est bien pour connaître ce troisième trimestre 2022 pour vous. Donc, on mélange bien par rapport à ce troisième trimestre et je vais couper le jeu. Et étaler mon jeu et nous allons voir les quatre rangées. Sur ces quatre rangées, vous allez pouvoir choisir votre rangée, comme je l'ai dit précédemment, par rapport à ce troisième trimestre 2022. Première rangée, troisième trimestre 2022. La quatrième rangée ici. Que va-t-il arriver pour ce troisième trimestre 2022? La troisième rangée ici et la quatrième rangée ici. Voilà, je vais enlever ma pioche. Et je vais vous interpréter tout ça. Alors, nous avons, on récapitule, la première rangée ici, d'accord? La deuxième rangée là, troisième rangée là. Et la quatrième rangée là. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ces rangées, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Posez bien la question mentalement, que va-t-il vous arriver sur ce troisième trimestre pour juillet, août et septembre 2022? Donc vous pouvez faire une pause par rapport à cette vidéo pour bien vous concentrer sur ces rangées, la première, deuxième, troisième, quatrième, et choisir la rangée qui vous attire le plus tout simplement de façon spontanée. D'accord? Donc concentrez-vous, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée. Une fois que c'est prêt, je vous interprète ces rangées. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la première rangée, là ça parle en fait de soutien. Vous allez avoir un soutien par rapport à peut-être des difficultés, des dépenses que vous avez eues, mais il y aura quand même un soutien, un appui, une protection par rapport à des dépenses, à peut-être des factures même, en tous les cas de l'argent que vous allez pouvoir devoir sortir. Mais il va y avoir quand même une protection. Attention quand même aux dépenses sur ce trimestre, bien sûr, mais il y a quand même une sécurité, une protection et peut-être même des coups du sort positifs qui vont vous aider à passer cette période d'été estivale, hein. Voilà, donc on voit qu'il y a un appui, il y a des soutiens, il y a des choses qui arrivent de façon un petit peu soudaine où vous ne vous attendez pas. Hein, voilà, il peut, malgré en fait les choses, les factures qui peuvent arriver, les dépenses que vous pouvez avoir sur ce trimestre, troisième trimestre 2022, on voit qu'il y a quand même un soutien et un appui. Voilà, il y a quand même une sécurité, donc vous pouvez vous faire confiance. Pour ceux qui ont choisi la deuxième rangée, donc on va regarder à quoi elle correspond. Donc là, cette deuxième rangée correspond en fait à une tendance où vous allez avoir du succès. Donc il y aura du succès sur ce troisième trimestre pour vous 2022. Beaucoup de succès, beaucoup de passion, beaucoup de d'amour dans l'atmosphère, hein, si j'ose dire. Mais attention, parce que il peut y avoir aussi beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ces passions, vous pouvez avoir ce renouveau affectif, amoureux, de succès même, mais avec peut-être un peu d'hypocrisie et des gens qui ne sont pas complètement honnêtes. Alors attention à tout ce succès qui arrive soudainement, c'est vraiment un été de succès, où vous plaisez, où vraiment vous allez avoir du succès, sur le plan surtout des amitiés, de l'affection, mais avec aussi des gens qui ne sont pas complètement honnêtes. Il peut y avoir des critiques par rapport à ce succès. Alors attention à cela, soyez vigilants. Voilà, pour ceux qui ont choisi la troisième rangée. Donc là, ça correspond à un trimestre pour cet été, pour vous qui avez choisi cette rangée, où vous allez avoir une période, un été très calme, avec beaucoup d'amour, de sérénité, les choses vont bien se passer, ça va être quelque chose, une période sereine, une période de bonheur, vous allez en profiter, vraiment tout se passe bien sur tous les plans, c'est vraiment un bon trimestre pour vous, les choses vont bien se passer, vous allez avoir finalement comme un état de grâce par rapport à ce trimestre, vraiment un très bel été pour vous jusqu'en septembre, c'est vraiment la tendance qui se dégage, où tout se passe bien, où il y a vraiment la tranquillité, la paix autour de vous et le bonheur, hein, voilà, donc, et pour ceux qui ont choisi la dernière rangée, la quatrième, donc on va regarder de quoi il s'agit. Donc là, c'est par rapport, ceux qui ont choisi cette rangée, vous allez avoir affaire à des choses qui sont encore un petit peu en attente. Il y a des projets qui sont peut-être un petit peu en attente. Vous attendez des choses qui n'arrivent pas. Il va y avoir peut-être un petit peu de, je dirais, de retard. C'est un petit peu bloqué les choses. Malgré tout, c'est des choses qui demandent à être un petit peu, où il y a besoin d'avoir du recul pour pouvoir les obtenir. Donc c'est normal, c'est un temps qui est nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez et vous aurez effectivement ce que vous souhaitez, la gain de cause, mais quand même là, on demande dans ce mois un peu de réflexion, un peu de prise de recul pour que vos projets aboutissent et effectivement deviennent, prennent tournure positivement, mais ça demande quand même encore un peu de réflexion, un petit peu de distance et peut-être que les choses se fassent un petit peu dans le temps et dans la tranquillité et il y a peut-être un petit peu d'attente pour que vos projets aboutissent, mais ils aboutiront. Voilà, c'est ce que nous dit en tous les cas cette rangée-là pour ceux qui ont choisi la rangée numéro 4. Voilà, nous avons terminé ce tirage de cette troisième capsule, hein, ce tirage du troisième trimestre 2022 et je vous retrouve sur le quatrième tirage, donc ce sera aux alentours du mois de septembre pour vous faire le dernier tirage de cette année 2022. En attendant, je vous souhaite un très bel été et beaucoup de bonheur et surtout pensez à vous hydrater et passer un très bel été avec vos amis, avec beaucoup de bonheur et profitez-en. Je vous dis à très bientôt, au revoir, prenez bien soin de vous surtout. Au revoir.